Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, eh bien, je vous propose aujourd'hui d'écouter l'interview de Yannick Ogor qui a écrit Le paysan impossible, récit de lutte. C'est un livre qui est paru aux éditions du Bout de la Ville cette année 2017. C'est une interview qui a été réalisée par nos collègues de Canal Sud, une radio libre du côté de Toulouse. Tout de suite donc, Yannick Ogor, Le paysan impossible. Bonjour Yannick, tu es maraîcher dans l'Ouest, en Bretagne. Oui, c'est ça, maraîcher et éleveur également, le troupeau de brebis et quelques cochons et vaches et compagnie. Voilà. Et en plus, tu as le temps d'écrire donc Le paysan impossible aux éditions du Bout de la Ville, donc un récit de lutte. On va parler de ça avec Floréal qui est là, donc ton éditeur. Il y a visiblement des remerciements dans ton livre aux éditeurs. Oui, bah c'est un sacré boulot qu'ils ont fait pour aider à rendre ces réflexions un peu lisibles et audibles, quoi. En fait, écrire un livre est un travail collectif, même s'il est signé d'un seul nom, et que ce travail-là a été passionnant à mener ensemble, et l'exigence des éditeurs a permis, je pense, de pousser un peu plus loin la réflexion que ce que je portais initialement. Ben c'est réussi, en tout cas moi pour comme lecteur, je peux vous dire c'est réussi. La question un peu pour entamer ça, hein, on va parler aujourd'hui donc du travail de la terre. Alors il y a plusieurs choses, hein, on va parler des questions des normes, mais d'abord pour commencer, c'est pourquoi publier ces livres, pourquoi les écrire, pourquoi maintenant. En fait, c'est une question que je vous pose à toi Floréal et à toi Yannick. Avec vous avez des places différentes, hein. Floréal, tu n'es pas agriculteur a priori, que je sache. Non, pas du tout. Donc pourquoi écrire, pourquoi sortir ces deux livres aujourd'hui? Bah, y a plusieurs types de réponses. D'abord, parce que c'est des rencontres. Les premières luttes politiques auxquelles j'ai participé, c'était en 2000 autour des OGM, qui était un truc très important dans lequel plein de gens sont retrouvés. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre avec Yannick, avec Xavier, etc. Enfin, il y a autour de toute cette agitation. Et puis après, on pourrait aller sur le fond de l'histoire. C'est sûr que... Enfin, les paysans, c'est là une grande hypocrisie du capitalisme, du mode de production, qui en fait quelque chose d'éternel, qui n'aurait pas changé, qui serait tout le temps là, comme une image un peu nécessaire pour l'urbanité générale. On a besoin de cette image, une image extérieure pour se ressourcer, en fait. Enfin, donc, allez voir, c'est aussi un spectacle, quoi. En plus, en France, c'est complètement fou, évidemment, comme on exporte cette image à fond. Et derrière, en fait, cette image, bah, il y a le fonctionnement de l'État et le fait que, comment dire, il y a quand même plus d'un million de paysans qui ont disparu, et ça c'est quand même une espèce de planification d'État, et donc à ce titre-là c'est complètement hallucinant de s'y pencher, de comprendre, et puis c'est une histoire qui est totalement méconnue dans le fond, et voilà, je pense qu'il y a une nécessité pour comprendre le capitalisme, de comprendre cette histoire agricole, c'est vraiment central. Donc, et en même temps, bah, quand on regarde chez les libraires, il y a beaucoup de livres sur le monde agricole, ils sont tous écrits par des spécialistes aux mains blanches, si on veut, enfin, qui sont un peu condescendants aussi vis-à-vis des agriculteurs qui comprennent pas leur situation, qui font pas bien les choses, qui polluent, etc. Enfin, tout d'un coup, là, on individualise à fond, une fois de plus. Et donc, voilà le boulot qu'on essaie de faire. Mais ça, on essaie de le faire aussi sur d'autres sujets, hein, mais pas que le monde agricole. Mais là, en tout cas, c'est de bosser avec des gens en fait qui sont à cet endroit-là, qui ont des choses à dire et qui vont déplier, dérouler tout ça, quoi. Comme Xavier, qu'on va entendre sur cette radio, quoi, qui déplie vraiment. Lui, qui vient de l'industrie, qui quitte tout ça en disant j'en peux plus, je fais de la certification chez Ron Poulin, voilà, faut que je quitte tout ça. Et voilà, il fait tout bien dans le monde agricole, formation, certification. bio, vente directe, AMAP, tout ça. Enfin, c'est vraiment. Et puis en fait, voilà, il se réveille, il dit moi, je suis pas sorti de Ronde-Poulin, je suis toujours dans cette histoire-là. Il détricote toute l'histoire administrative et toute l'histoire de. Et on se rend compte aussi, enfin. Que, parce que par exemple au moment des OGM il y avait un courant anti-industriel assez fort, enfin en tout cas qui se, dans la critique sociale, bon c'est pas une grande visibilité, mais il y avait voilà, c'était un mouvement qui se disait contre l'industrialisation de l'agriculture, etc. Et là ce que je trouve intéressant avec ces deux bouquins, c'est de, on n'est plus strictement là-dessus, quoi. Il y a vraiment un espèce de, enfin, c'est le monde agricole qui se déplie dans toutes ses dimensions sociales, administratives et tout. Et on comprend en fait vraiment une espèce de logique d'état général. Et le fait, par exemple, que, enfin, dans le livre de Yannick, mais ça, il en parle très bien. Comment se fixent les prix, qu'est-ce que c'est un marché agricole en fait? Est-ce qu'il est pur et parfait, etc. Enfin, ou est-ce que effectivement, c'est pas un espèce d'étrange mélange d'état, d'économie, de contrôle, etc. Enfin voilà, qu'il s'agit de bien analyser, quoi. Il faut débroussailler ça, il faut continuer. En 2000, il y a eu un peu des tentatives de petits mouvements. Il y a eu, bah, dans le sud-ouest, ça s'appelait Droit Paysan. C'est des gens qui, en Ariège, là où sont les éditions, il y a ce petit collectif, ils squattaient des terres sans statut agricole en disant voilà, nous on veut occuper, on veut travailler la terre, etc. Donc c'était ces questions-là, elles se reposaient un peu partout. En Bretagne, c'est pareil, il y avait un peu des choses équivalentes. Il en parle un peu, Yannick, dans son livre. Et puis voilà, après, bon, ça retombe comme un soufflet, puis le rouleau compresseur, il avance, etc. Et puis, et même toutes les lois Macron, toutes les mesures, en fait, le monde agricole est un peu un prototype de ça. C'est ahurissant de voir qu'est-ce que c'est un agriculteur depuis les années 60, quoi. C'est juste quelqu'un qui va brasser énormément d'argent sur sa ferme et toucher moins qu'un RSA, quoi. Et ça, c'est un espèce de modèle aussi, un modèle économique. Et c'est ce qui est dit aussi un peu dans la préface du bouquin de Xavier, donc Le Ménage des Champs. Il y a cette phrase qui dit « Ce qu'il nous apprend ici de l'agriculture vaut en réalité pour tous les pans de l'économie réglementée et structurée par la bureaucratie, c'est-à-dire pour toute l'économie sans exception. » C'est vrai que dans ces bouquins-là, en fait, aussi bien Le Ménage des Champs que Le Paysan Impossible de Yannick, on peut très, très facilement transposer tout ce qui est dit à tous les domaines de la vie, en fait, et qu'on vit tous, même si on n'est pas agriculteur, même si on vit en ville, voilà, il y a cette chose-là aussi. Ah bah c'est sûr, quand on prend cette histoire-là, il y a vraiment, il y a une critique de l'État qui est vraiment sous-jacente en permanent, enfin, qui n'est pas sous-jacente, hein, qui est centrale dans les livres. Et du coup, du concret, bon, débroussailleuse beaucoup, bah c'est, Yannick, toi t'as débroussaillé pas mal. J'ai essayé, ouais. Comment tu pars, toi? Parce que du coup, t'es pris quand même à un endroit où qui est pas simple. Hein, tu en parles dans le livre, où on est pris dans plein de choses et c'est difficile d'en refaire la généalogie. Comment est-ce que tu fais, toi, pour remonter le fil, pour débroussailler, pour avancer, quoi? Bah, je dois dire que je prends mon histoire, mon passage à la Confédération paysanne pendant 5 ans, dont j'ai démissionné, hein, pour des accords flagrants par rapport à ce que devenait ce syndicat qui avait accepté la cogestion à la fin des années 90. Malgré les désaccords que j'ai eus, je pense que d'avoir passé 5 ans dans ce syndicalisme agricole, ça m'a quand même énormément aidé à comprendre le système de domination, le système de pouvoir qui s'est emparé de l'agriculture au XXe siècle, et notamment du coup le rôle de l'État. Et que je pense que sans ça, j'aurais été bien incapable, en fait, d'essayer de décortiquer, d'avoir la prétention de décortiquer ces jeux de pouvoir. Voilà, donc je pars d'abord de ma tentative d'être agriculteur depuis 15 ans et l'expérience de syndicale qu'a précédé aide énormément à éclairer. Après, je passe aussi énormément de temps à lire la presse quotidienne, notamment en Bretagne ou Ouest-France, se fait quand même encore énormément le relais de la question agricole, d'un point de vue forcément productiviste, mais en même temps, en y regardant de plus près, on arrive à décrypter, enfin, parce que bon, ce que je dis dans mon bouquin, c'est que l'agriculture est essentiellement faite d'un spectacle, quoi. Enfin, c'est des faux-semblants, en fait, qui structurent énormément l'actualité agricole, notamment les manifs à répétition des paysans. Leur rôle, en fait, c'est de masquer la réalité du pouvoir en agriculture. Et du coup, à force de prendre au premier degré cette actualité mise en spectacle par les médias, en les mettant bout à bout, on comprend des choses. En fait, on comprend que, par exemple, centralement, les manifestations agricoles pendant la crise qu'a subi l'agriculture de 2013 à 2015 n'avait pas du tout pour but de sortir la majorité des paysans de la misère dans laquelle, et du surendettement dans lequel ils étaient, mais c'était seulement l'appareil syndical de la FNSEA qui négocie des nouvelles enveloppes pour continuer à fabriquer des rentes de situation auprès des empires agroalimentaires et des agriculteurs les mieux lotis. Et que ça, c'est indispensable à décortiquer aujourd'hui. Et du coup, j'avais besoin de refaire l'histoire, au moins depuis 60 ans, de ces politiques agricoles et du jeu syndical, en fait, pour comprendre aujourd'hui de quoi on est l'objet, quoi, en tant qu'agriculteur. Pourquoi aujourd'hui, mon constat, c'est que d'être paysan, c'est impossible. C'est-à-dire paysan en termes en tant que un certain rapport à la liberté, à l'autonomie et au travail collectif. Pourquoi aujourd'hui on est réduit à être un chef d'entreprise entièrement administré par l'État et dont les marges de manœuvre sont réduites à peau de chagrin chaque jour un peu plus, quoi. Comme point de départ aussi, alors il y a ces luttes autour des OGM. Peut-être on peut revenir un peu là-dessus, parce qu'au final, encore là aussi, il y a un spectacle, hein, tu parles de spectacle, c'est-à-dire, moi je traduis ça comme quelque chose, finalement on a une image qui masque une réalité, hein, on pense la voir, et finalement l'image nous masque et elle ne nous montre pas. Sur les OGM, il y a quelque chose qui se passe, c'est que bon, bah, finalement il y aura un moratoire, on se rappelle de José Bové, qu'est-ce qui change de la lutte sur les OGM donc des années 2000 à aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui il faut refaire cette histoire-là ? Parce qu'elle a marqué, d'une part, elle a un peu fait apparaître une contestation agricole portée par une certaine gauche, en fait, avec une apparence de critique de l'industrialisation, du productivisme, et que le résultat de ça, en fait, précisément, depuis 20 ans, on le voit, c'est non pas centralement le moratoire, mais ce qu'a obtenu ce mouvement médiatique, en tout cas porté par la malbouffe de José Bové, c'est la mise en place d'une double filière OGM non OGM, c'est-à-dire la cohabitation de niches économiques écolo avec la grosse industrie, et a éteint en fait réellement pour moi la possibilité d'une contestation qui tente d'affaiblir le modèle industriel, le modèle capitaliste. Que notamment l'élément central de cette pacification, enfin de cette cohabitation pacifiée, ça a été la revendication de la part des faucheurs d'OGM la mise en place d'un système de traçabilité qui permet de fait de mettre en place cette double filière, et qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, toute la contestation qui vient de gauche, anti-productiviste, se satisfait en fait de revendiquer ce système de traçabilité, de transparence, de contrôle de l'État, pour rendre possible commercialement l'apparition de filières soi-disant anti-industrielles, enfin en tout cas opposées au modèle industriel. Or, en fait, il y a deux choses, deux conclusions à ça. C'est que d'une part, on n'a pas du tout affaibli le modèle industriel, au contraire, en fait, les empires agroalimentaires n'ont jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui. Et à côté, en plus, la filière censée être vertueuse, incarnée par l'agriculture biologique notamment, est en train de se mettre au pas des normes industrielles poussées par l'encadrement étatique, que la niche qu'on espérait quand même pouvoir obtenir, on l'a même pas obtenue, quoi, parce qu'au final, on est, comme n'importe qui, pris dans les rouages de cette administration, pris dans les rouages d'une économie capitaliste, et qu'il est plus que temps, 20 ans après l'émergence de cette contestation anti-productiviste, de changer de ligne directrice, quoi, et que pour moi, écrire ce bouquin, c'était de remuer un peu cette vieille histoire pour dire, voilà, la gauche paysanne s'est complètement trompée de route. Essayons de reprendre le conflit à des endroits plus pertinents, et pour ça, comprenons un peu plus le rôle de l'État, quoi, et sortons de cette fiction libérale entretenue par cette gauche paysanne qui a l'air de dire en permanence qu'on est les pantins de Monsanto, de ces grands groupes agro-industriels, pour mieux s'installer dans les rouages de l'État et oublier la contestation du rôle de l'État, quoi, qui fait que depuis 20 ans, la CONF est installée au poste de co-gestion et elle ne mène plus que des spectacles de lutte, et il n'y a plus du tout de conflit réel avec qui tenterait de nous sauver de cette misère économique et sociale dans laquelle on est, quoi. Dans le travail que tu fais, dans le travail qui est mené là au bout de la ville, on a déjà depuis longtemps une critique anti-industrielle, par exemple dans les éditions des Nuisances, dans Pièces et Main-d'œuvre, etc., qui se fixe beaucoup sur finalement sur les dispositifs, sur les outils, etc., qui est peu socialement ancrée. et un écologisme de la Confédération paysanne, etc. Et que là, on a quelque chose qui essaye de... une critique anti-industrielle qui serait ancrée dans du social ou dans une lutte sociale. Comment est-ce que vous vous placez par rapport à ce courant-là anti-industriel? Est-ce que ça vous parle, ça, de, bah, d'une espèce de... Oui, enfin, moi, c'est quand je parlais du mouvement autour de 2000, bien sûr, on lit ces trucs-là, bien sûr que c'est des... Enfin, ce mouvement se fait avec ces gens, ça, c'est certain. J'ai l'impression que, depuis 15 ans, en tout cas, toute cette histoire est devenue une histoire très anti-technologique. Et que finalement, elle se désincarne. Mon PMO, c'est un peu l'extrême, quoi. C'est assez déconnecté, concrètement des réalités. Et surtout, moi, je pense que c'est une erreur de dire les brebis sont pucées, le facteur a un contrôle dans son travail et l'instituteur a bas élèves, c'est la même chose, faisons un collectif ensemble et puis voilà, on fait un collectif contre la numérisation du monde. Je pense que les luttes fonctionnent pas comme ça et que en fait, il faut vraiment essayer de reconstituer une culture politique en fait. Faut, enfin là, tout simplement en fait. Peut-être faut tout simplement dire un truc comme ça. Faut une culture politique de lutte et dans le monde agricole, je pense qu'il faut. Enfin, c'est compliqué, ça met du temps à se reconstruire. Je pense que ces livres essaient d'y contribuer. C'est pour ça que ça mélange et qu'il faut essayer de faire une. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'intention de ces éditions, essayer de faire une critique sociale qui est vraiment faite par les gens qui la subissent. Et aussi, c'est marrant, il y a une critique du livre de Xavier qui est très marrante, qui est faite par un normalien de Lyon qui fait un texte de quasiment 20 pages qui décortique tout le livre en disant vraiment c'est super, et le début commence en disant ça fait vraiment bizarre de voir nos indigènes s'exprimer directement, et tout d'un coup il y a le sujet d'étude lui-même qui s'exprime, et en fait on est vraiment désarçonné et tout. Bon, il dit ça en riant, mais en même temps c'est vraiment ça, c'est-à-dire que refabriquer un langage commun, c'est déjà, c'est fabriquer ce truc-là. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut repartir en tout cas beaucoup plus simplement du travail en fait, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ? Et la marchandise, parce que, allez, on cite Marx, mais juste le premier chapitre de Marx, c'est sur la marchandise. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit, voilà, une marchandise, c'est en gros le contenu d'une assiette, admettons quoi. Il y a rien de plus, c'est du fétichisme, c'est-à-dire qu'on sait pas du tout comment c'est produit. Il y a vraiment une espèce de et le capitalisme marche là-dessus. Et donc ça vaut le coup d'aller de défaire l'assiette et tout le mode de production qu'il y a. Et le fait est ouais, on mange de l'État, on mange de la marchandise. Enfin, et je trouve ça, enfin, et c'est marrant de retrouver le vieux fond de la critique en fait sociale à cet endroit-là. Ça te parle toi, Yannick, de reconstituer une culture politique de lutte? Bah oui, complètement, parce que je pense que, enfin, cette critique anti-industrielle, si on l'a un peu laissée de côté, c'est qu'elle n'offrait pas beaucoup de prise sur le réel, en fait, à part un discours incantatoire d'une dépossession de plus en plus grande liée à l'avancée de d'un monde technologisé. Nous, ce qu'on avait besoin pour réinstaller du conflit sur le terrain agricole, c'était regarder comment ça se fabrique, quoi, qu'il y a encore des gens derrière cette machine infernale de dépossession, et qu'il y a notamment un État, qu'il y a aussi des luttes sociales, enfin, il y a des syndicats qui sont pas rien dans la question agricole, et de regarder comment tout ça interagit, notamment, pour moi, ce qui était central, c'est comment l'État, au niveau agricole, depuis 60 ans, fabrique le consentement des agriculteurs à leur propre dépossession, à leur propre élimination, et que si on ne comprend pas ça, en fait, enfin, on est sûr de reproduire éternellement ce consentement aveugle pour certains, très conscient pour d'autres, mais et que, voilà, notamment, attaquer la question de l'écologie, pour moi, aujourd'hui, c'est autant à attaquer ce qu'on appelle le capitalisme vert, la manière dont les États, les industriels se nourrissent en fait de la contestation écologique pour relooker leur image, mais aussi comment l'écologie est aujourd'hui l'endroit même de la fabrication du consentement, de la cogestion, qu'on appelle ça en agriculture. C'est-à-dire que la gauche paysanne s'est embarquée dans cette question écologique il y a 20 ans, 20-30 ans, en étant persuadé que l'écologie serait la barrière à la prolifération du modèle industriel. De fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les normes sanitaires et environnementales censées incarner cette écologie politique, mise en place par l'État, à la fois organisent la concentration des productions, des rentes de situation auprès des empires agroalimentaires, éliminent sous la contrainte réglementaire les plus petits qui veulent pas se mettre au pas, Et dans le même temps, et c'est ça qui est extraordinaire, ces politiques-là arrivent à être légitimées par l'ensemble de la gauche paysanne, les bio, la Confédération paysanne, enfin c'est tout cette engeance de gauche est persuadée en militant pour toujours plus de normes, pour toujours plus de traçabilité, d'abonder dans le bon sens de la défense de la petite paysannerie, alors même que l'évidence crève les yeux, que c'est en train d'écraser la petite paysannerie et de concentrer la production. Et ça, c'est si on regarde comme le fait la Conf aujourd'hui, simplement le développement des fermes-usines, comme ils l'appellent, genre la ferme des 1000 vaches, ben on ne voit qu'un bout de l'histoire. On voit pas comment tout ça se fabrique, comment en fait il n'y a pas que 2-3 fermes-usines en France, comment toutes les fermes sont devenues des usines, et même les plus petites, quoi, même les nôtres, sur 2 hectares, aujourd'hui la bio partout fabrique un modèle industriel, et en plus, nous qui croyons dans des petites niches de vente directe, le dernier résistant à l'histoire, en fait on résiste à rien, parce que par exemple en 20 ans sur le marché des légumes, non seulement la part des petites productions n'a pas augmenté, mais on a laissé la place à tous les grands groupes industriels, ce qui fait que la SICAT Saint-Paul-de-Léon, donc par essence même le modèle industriel capitaliste en Bretagne sur les légumes, est devenu le leader français de vente de légumes bio sur le marché. Et que depuis 20 ans, il n'y a aucune contestation, aucune tentative d'affaiblir ce compresseur. On va te faire écouter un petit truc, je pense, qui va pouvoir... parce que tu as une image dans ton livre sur cette question de l'écologie et du rapport à ça. Peut-être ça peut te faire un peu réagir. Que tu reconnais ce... Ouais, le magnifique film des années 80 du meilleur cinéaste français, Luc Besson, quoi, le Grand Bleu. Oui, c'est vrai que je prends un malin plaisir dans le bouquin. Ouais, tu dis quelque chose qui est intéressant parce que ça fait lien entre une culture de masse, c'est-à-dire voilà, le Grand Bleu, hein, vu comme ça par peut-être là les plus jeunes ne s'en rappellent pas, et c'est peut-être pas un mal, mais donc c'est l'histoire d'un plongeur, de la mer, des dauphins, donc d'un rapport à la nature, et tu dis quelque chose qui est assez intéressant. Pour moi, c'est vraiment le film qui fabrique instantanément une culture de masse portée vers un mythe de la nature, vers cet écologisme naissant. De masse, il l'incarne très bien, parce que c'est vraiment le personnage du Grand Bleu est un espèce d'autiste comme ça, un peu solitaire, qui porte en lui une espèce de détestation du monde, mais qui est complètement aphasique, c'est-à-dire qu'il est incapable d'en dire quoi que ce soit. Et le modèle aujourd'hui de rapport au monde conflictuel qui est porté par ce film-là, c'est celui de la fuite dans des territoires mythifiés, qui est pour lui là l'océan et ses dauphins, qui d'ailleurs dans le film ressemblent plus à un dessin en image 3D que à la beauté d'une nature brute, quoi. Mais tout ça renvoie à des mythes. Je l'épingle aussi pour épingler le courant actuel des oasis en tout lieu et compagnie, enfin cette idée qu'il serait possible dans ce monde-là aujourd'hui de le déserter, en fait, de se mettre de côté, de vivre à côté, et que pour moi, cette écologie-là, ce qu'elle a fabriqué centralement, c'est l'abandon de toute conflictualité politique, quoi. Elle contribue à fabriquer cette paix sociale en étant persuadé que chacun peut se recroqueviller dans chez soi, résoudre ses problèmes par mille dispositifs de développement personnel, du yoga en passant par la méditation de pleine conscience, ou par faire son potager, construire sa maison soi-même. Enfin, tout ça, c'est un mythe de l'individu tout puissant, en fait, au fond, derrière le Grand Bleu. Pour moi, c'est ce que porte l'écologie de Luc Besson, c'est vraiment cette idéologie de la toute-puissance de l'individu et la possibilité d'abandonner complètement tout conflit collectif avec cette société. Puisque ça a été un film vu par des millions de gens plusieurs fois, il a marqué pour moi, de même que Ushuaïa, hein, de Nicolas Hulot, et c'est pas rien de revoir ces gens-là toujours au cœur de l'actualité, d'ailleurs autant Besson que Hulot, et ils ont pas du tout d'ailleurs perdu leur idéologie de l'époque, hein, et elle est d'autant plus plus efficiente aujourd'hui. Et c'est hallucinant de voir à quel point la présence du lot dans le gouvernement aujourd'hui est capable de rassurer et de des dizaines de millions de personnes, malgré la réalité criante de son histoire capitaliste et de le fait qu'il est baptisé avec tout le monde toute sa carrière, quoi. Et je rajouterais en plus, tu dis ça d'autant plus que toi, tu as fait partie des premiers à être dans les formations d'écologie, en fait, hein. Au début des années 90, tu as essuyé les premières... formations universitaires. Voilà, formations universitaires, ouais. Quoi. C'est ça qui est... C'est que moi, mon itinéraire, c'est de me laisser porter par cette ambiance du milieu des années 80. En fait, j'ai vraiment cru que... Il faut dire aussi qu'on... Fin 80, début 90, on traverse un moment politique où il y a très peu de conflits. Enfin, l'époque Mitterrand est passée par là et a éteint beaucoup de contestations sociales. Et du coup, en tout cas dans le Finistère, c'est vrai que là où ça bouge, c'est sur le terrain de l'écologie. Et je le refais un peu l'histoire dans mon bouquin de comment j'ai dû me défaire de cette illusion de trouver derrière l'écologie l'endroit de lutte véritable face à ce monde capitaliste et industriel. Et qu'au fond, je n'ai vu que de la cogestion, quoi, partout, et que l'écologie est devenue petit à petit la caution idéologique du capitalisme, et que ma formation a été centrale pour moi de voir, puisque les gens les formateurs de cette formation étant les anciens militants de l'histoire de Plogoff, la centrale nucléaire à Plogoff, du naufrage de l'homme du pétrolier à Mococadis à la fin des années 70 dans le Nord Finistère, tous ces gens-là avaient été extrêmement combatifs à la fin des années 70 et devenus formateurs à la fac. N'ont fait que fabriquer des futurs cogestionnaires du désastre, quoi, où il s'agissait plus que de faire de la comptabilité du désastre pour mieux mettre en place des dispositifs de contrôle et de gestion de l'environnement, quoi. Et qu'en tentant de mettre un pied dans le monde agricole, mon idée c'était de trouver une autre réalité, justement, de gens en prise directe avec ce qu'on peut appeler la nature. Et je m'étais naïvement dit qu'à cet endroit-là, forcément, l'écologie ne prendrait pas une même tournure. Or, c'est ce que j'ai vu depuis 20 ans, c'est que l'écologie a fini par inoculer entièrement le discours de la gauche paysanne et qui sont devenus eux-mêmes les co-gestionnaires de la nature, de l'écosystème, à travers 1000 cahiers des charges qui contrôlent, orientent, dirigent la manière de se rapporter à sa ferme. Et que voilà, aujourd'hui, être agriculteur en bio n'est plus se réduit à être un gestionnaire de biodiversité, d'un écosystème où on a complètement perdu le rapport à la liberté, à l'autonomie et au conflit, quoi. Parlons lutte, parce qu'en même temps, vous posez quelque chose. Alors, je dis vous, parce que tu en as parlé tout à l'heure, Floréal, du puçage des animaux. En 2014, il y a déjà une lutte qui commence, un peu avant d'ailleurs. Yannick, tu fais une lettre qui est dans ton livre, une lettre ouverte, signée d'un éleveur de brebis en voie de disparition administrative. Aujourd'hui, il y a un collectif qui s'est monté, qui s'appelle Hors Normes, hein, qui balbutie, on peut dire. Il est du 18 août 2017, vous faites un premier texte. Mais dans tout ça... Il y a quelque chose que vous dites qui se retrouve, c'est en gros la traçabilité, ça ne sert à rien, vous êtes contre la traçabilité. Quoi, il faut qu'on mange des lasagnes au cheval, etc. C'est quand même un peu iconoclaste, après avoir cassé le mythe du Grand Bleu, j'en pleure encore. Maintenant, il faudrait qu'on se dise que ces normes-là, ces normes sanitaires, ne nous protègent pas. Il y a deux aspects à ça, c'est que... ceux qui ont constitué, dont je suis ce collectif-là, ont leur propre expérience individuelle du rapport aux normes et au contrôle administratif, et où on voit bien à quel point ces normes-là ne sont pas du tout quelque chose qui accompagne et renforce nos pratiques elles-mêmes. En fait, elles sont plutôt des contraintes, des empêchements, en fait, clairs et nets. C'est-à-dire le puçage des brebis en est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que le puçage électronique, c'est des dispositifs qui n'ont rien à voir avec la manière dont on mène nos activités et même ont tendance à nous déposséder d'un rapport sensible, direct aux animaux ou aux végétaux pour les maraîchers. Et donc c'est à la fois ça, c'est à la fois donc les contrôles administratifs omniprésents qui fait qu'on a sans cesse des comptes à rendre sur nos activités et que en plus

vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racines de Moisins. Et on vient donc d'entendre Yannick Ogor, qui est l'auteur du livre Le Paysan Impossible, récit de lutte. C'est paru aux éditions du Bout de la Ville. Et donc des éditions du Bout de la Ville, on a entendu aussi Floréal Klein, qui commentait aussi cet ouvrage. Les mêmes éditions du Bout de la Ville ont publié l'année dernière, en 2016, de Xavier Noulian, Le Ménage des Champs, chronique d'un éleveur au XXIe siècle. Et je pense qu'on aura l'occasion, dans les prochaines émissions de Racines de Moisins, d'entendre Xavier Noulian raconter son parcours à travers la bureaucratie agricole. Yannick Ogor parlait aussi du collectif Hors Normes, et je vous propose d'écouter le texte qu'ils ont rédigé suite à l'assassinat de Jérôme Laronze, de 3 balles dans le dos, éleveur de Saône-et-Loire. L'État élimine les agriculteurs. Refusons les normes, évitons les balles. Ils ont tué Laronze. Jérôme Laronze, éleveur en Saône-et-Loire, a été tué le 20 mai 2017 par des gendarmes. Son nom vient s'ajouter à la longue liste des victimes des forces de l'ordre. Sa mort nous rappelle que les violences institutionnelles n'épargnent personne, pas même les agriculteurs. Jérôme était harcelé depuis des années par l'administration agricole. Contrôle à répétition, pénalités, menaces de saisie du troupeau. Cette répression visait à le mettre aux normes. Lui qui refusait de répondre aux injonctions de traçabilité, bouclage des animaux, bordereaux de circulation, prophylaxie, etc. La pression croissante a franchi un seuil en 2016 lorsque les services vétérinaires ont fait appel aux gendarmes pour effectuer leur contrôle coûte que coûte. Lors de leur dernière visite, pas moins de 2 contrôleurs et 4 militaires en armes se sont présentés à la ferme par surprise. Pris au dépourvu, Jérôme a décidé de partir en cavale pour dénoncer les agissements de l'administration. Dans le journal de Saône-et-Loire, il développait sa vision parfaitement claire de la situation. L'hyper-administration n'apporte rien aux agriculteurs, sinon de l'humiliation et des brimades. Cela ne rapporte qu'aux marchands et aux intermédiaires. Mon cas est anecdotique, mais il illustre l'ultra-réglementation qui conduit à une destruction des paysans. Malheureusement, son échappée médiatique et politique s'est achevée sous les balles des gendarmes 10 jours plus tard. Quand bon nombre de cultivateurs et d'éleveurs dépriment, abandonnent ou se suicident, Jérôme, lui, s'est opposé au système normatif et il a été abattu. Alors que les services de l'État tentent de discréditer pour excuser ces gendarmes, nous devons reconnaître à Jérôme sa lucidité et son courage dans ce combat qui touche tous les travailleurs de la terre. Le meurtre dont il est la victime rend la destruction des paysans plus visible que jamais. L'État au service du capital. L'ultra-réglementation dont il est question s'appuie sur des normes sanitaires et environnementales dont le nombre a explosé depuis 20 ans. Elles prétendent répondre aux problèmes actuels que sont la santé publique et la protection de l'environnement. Mais ces promesses, toujours déçues, masquent l'objectif réel. La gestion par les normes ne sert qu'à écrémer la population agricole pour concentrer la production et les profits. Si la dégradation de notre environnement et de notre santé est incontestable, les normes n'ont démontré ni leur nécessité, ni leur efficacité. Aucune étude ne démontre le risque supposé des pratiques paysannes. Aucun protocole industriel n'a empêché la vache folle, les algues vertes ou les lasagnes de cheval. Bien au contraire. L'industrialisation de l'agriculture s'est accompagnée de l'usage massif de produits toxiques pour la nature en général et pour les humains en particulier. La dégradation de nos conditions de vie est intimement liée au développement du modèle productiviste. Pourtant, ces normes, soigneusement agencées par les lobbies industriels, sont imposées à tous sous la forme de règlements. Le système normatif fait disparaître la singularité de chaque ferme et l'expérience du producteur au profit de procédures standardisées. Il nous réduit à de simples exécutants, dépossédés de nos savoir-faire, de nos cultures et de nos outils de travail. Il nous asphyxie financièrement et administrativement. Il dénature le sens de notre métier. Il nous transforme en travailleurs prolétarisés et nous pousse à quitter nos fermes. Il répond ainsi aux besoins de l'industrie, libérée du foncier d'un côté et de la main-d'œuvre précarisée de l'autre. Les politiques, conseillés par les mêmes lobbies, ont mis en place des mesures financières pour accompagner les réglementations sanitaires et environnementales. Mais ces subventions et autres avantages fiscaux sont rarement accessibles aux fermes modestes, car les investissements requis restent hors de portée. Seules les grosses exploitations peuvent y prétendre, et elles en profitent également pour accroître leurs énormes bénéfices en diversifiant leurs revenus, solaire, éolien, méthanisation. Ainsi, la gestion par les normes est devenue le principal levier des politiques agricoles pour éradiquer les petites et moyennes fermes au profit de grandes exploitations et de fermes-usines. En dépit de tout résultat probant sur la santé et l'environnement, la combinaison des réglementations et des aides publiques donne à l'industrie les conditions et les moyens de sa prospérité. Jérôme l'avait bien compris. Il s'y est opposé et il en est mort. Luttons ensemble pour exister. Il est temps de mettre fin à cette politique mortifère. Beaucoup d'entre nous refusent de se soumettre aux injonctions de l'État, autant d'actes de résistance nécessaires, mais difficiles à assumer seuls. Face à une administration répressive et une justice de classe, le meurtre de Jérôme sonne comme un avertissement. Isolés, nous disparaîtrons tôt ou tard, sous les normes ou sous les balles. Seul un mouvement collectif permettra d'enrayer la machine qui nous broie. Le syndicalisme a montré ses limites. Empêtré dans la cogestion, il ne peut plus être une force d'opposition. Sortons de l'hypocrisie. Il n'y a rien à négocier avec l'État français et son avatar européen qui concentre les productions et organise les rentes de situation pour les empires agroalimentaires. Il faut les empêcher de nuire par la désobéissance collective et l'action directe. À l'instar de la lutte contre le puçage des brebis, il nous faut rétablir un rapport de force avec l'administration en organisant une présence collective sur les fermes lors des contrôles. Cette présence a le mérite de rompre avec l'humiliation, le sentiment d'impuissance et l'isolement. Mais compte tenu de la situation, nous devons aller plus loin. Il nous faut désormais refuser les contrôles collectivement et s'assurer qu'aucune sanction n'en résulte. Refusons le système normatif qui tente de nous éliminer. Pour rejoindre le mouvement, participer au rassemblement et organiser la lutte, contactez l'adresse suivante or-norme@riseup.net horsnorme@riseup.net. Voilà, donc cette émission se termine. Je voulais remercier Canal Sud d'avoir réalisé cette interview et de l'avoir mis en ligne aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.